Bonjour. Aujourd'hui, je commence un nouveau podcast. C'est mon premier podcast. C'est une expérience. Mon but est de partager mon renouveau d'intérêt pour une activité qui se nomme le waymarking. Le waymarking, c'est un peu un cousin du géocaching. Ceux qui connaissent le géocaching savent que nous allons dans des endroits, souvent dans une forêt, un boisé, un parc, et qu'on y cache un contenant, plus ou moins petit, plus ou moins grand, de préférence plus grand, dans lequel on cache des petits objets, pour que les enfants qui s'amusent avec nous puissent faire des échanges de jouets, des petits jouets en dehors, petits jouets de chez McDonald's, rien du tout. Et ensuite, on met un carnet de visite dans ce même contenant, puis on prend les coordonnées GPS, qu'on publie le tout sur le site geocaching.com afin que d'autres géocacheurs puissent, grâce aux coordonnées GPS, se rendre sur place, découvrir la boîte, bien cachée, sous une bûche, dans un trou d'un arbre, ou des fois bien à la vue, mais camouflée, comme une fausse cabane d'oiseaux, des trucs comme ça. Et ensuite, signe le carnet de visite, retourne sur le site geocaching.com et log la cache comme trouvée. Tout ceci est très bien. C'est un loisir très amusant sur lequel j'ai passé des centaines d'heures. Mais c'est un loisir qui a des limites. La limite étant surtout les milieux urbains, les lieux plus touristiques qu'on voudrait bien faire découvrir aux gens, mais où on ne peut pas vraiment cacher une cache sans endommager les lieux ou sans que ceux qui chercheront plus tard, les géo-chercheurs, parce que quand on est au géocacheur, on est à la fois géoplaceur et géotrouveur. Alors, quand les géotrouveurs cherchent une géocache en milieu très visité, en milieu touristique par exemple, eh bien, ils se font prendre. Les gens qui ne connaissent pas le jeu peuvent ensuite aller voir ce qu'on a bien pu ramasser dans ce creux derrière un monument et prendre la petite boîte et l'acheter. Donc, ensuite, pour les géoplaceurs, ça devient difficile de faire la maintenance de cette géocache qui est continuellement détruite par les géomoldus. On s'inspire d'Harry Potter pour appeler ceux qui ne jouent pas au géocaching des géomoldus. Pour contourner tout cela, il existait jadis les caches virtuelles. Les caches virtuelles étant une cache où il n'y avait pas de contenant et où il fallait souvent répondre à une question sur place pour prouver qu'on y était passé. Sinon aussi, il y a toujours moyen de faire une cache multi où il faut passer par de multiples lieux où il n'y a pas de contenant pour ramasser des réponses et à la fin, on fait un calcul avec ces réponses qui nous amène à un endroit plus isolé où il y a un contenant. Mais encore là, ça a ses limites. Par exemple, il y en existe une très belle que j'avais jadis visitée à Paris, qui nous amenait à plein d'endroits intéressants sur l'île de la Cité. Et à la fin, on trouvait un contenant qui était aussi sur l'île de la Cité. Ce contenant-là était près d'un commerce, mais c'était avec la complicité du commerçant, qui était d'accord pour que les gens viennent trouver la finale de cette cache multi à son commerce, en espérant bien sûr que les gens en profiteraient pour acheter un petit quelque chose dans son commerce. Mais éventuellement, c'est plus de travail. Les gens qui sont en tourisme dans un lieu n'ont souvent pas le temps de faire tout ce trajet parce que souvent, sur cette étape, finalement, on ne trouve pas la quatrième et voilà le travail, on ne trouve rien au bout de la ligne, on ne trouve pas la finale. Bon, c'est un peu frustrant. Donc, comme je vous dis, il y avait les géocaches virtuelles. Mais il y a une bonne décennie, les propriétaires du site geocaching.com ont décidé qu'ils ne supportaient plus les caches virtuelles. Je ne sais plus pourquoi historiquement ils avaient pris cette décision, mais voilà, ils l'ont fait. Bien sûr, il y a eu beaucoup de protestations. Et finalement, ils ont créé un autre site en parallèle du site geocaching.com qui s'appelle waymarking.com. waymarking.com. Vous pouvez aller sur ce site, vous y inscrire gratuitement et vous y retrouverez maintenant plus de 800 000 Waymark. Et ces Waymark sont répartis dans plus de 1100 différentes catégories. Une même Waymark peut même être dans plus d'une catégorie. Par exemple, une église pourrait se trouver sous « This Old Church », qui est une catégorie pour les églises plus que centenaires, ainsi que dans « Église catholique », par exemple, ou « Église orthodoxe », ou « Église protestante ». Il y a différentes catégories comme ça. Vous voyez, il y en a en ce moment 1115. Voilà. Alors, c'est la base du waymarking. Le but étant de faire découvrir aux autres des endroits que l'on juge intéressants. Bon, là, une belle église, un beau monument, une borne de recharge pour véhicules électriques, des bornes pour vélo en vélo partage, des trucs du genre. Il y a aussi, bien sûr, des trucs moins intéressants qui datent des débuts et qui ont persisté, comme par exemple des McDonald's, des Starbucks, des Tim Hortons, ça c'est canadien, et des trucs du genre. Chacun ses goûts. C'est vrai que moi, je suis pas un grand amateur de McDonald's, mais je pourrais comprendre que pour un amateur de McDonald's qui se retrouverait dans une ville inconnue et qui a goût d'un Big Mac, grâce au site Waymarking, il peut trouver un McDonald's assez proche. Bon, aujourd'hui, ce genre de truc pour les commerces est presque inutile parce qu'un gros amateur de McDonald's peut installer sur son téléphone intelligent l'application de McDonald's et trouver le McDonald's le plus proche. Mais bon, tous les goûts étant dans la nature, qui suis-je pour juger de la pertinence d'une catégorie McDonald's? Je mentionne en passant que vous pouvez remarquer des bruits de fond. C'est parce que j'ai décidé, au moins pour ce premier épisode de mon podcast, de le faire en marchant, en me dirigeant à un endroit qui est susceptible de devenir une Waymark et de le faire tout en vous jasant de mon activité. Vous pouvez remarquer peut-être aussi des bruits de neige sous mes pas et des bruits de neige sous les voitures que je croise. C'est parce que nous venons d'avoir ici au Québec, ou enfin au sud du Québec, dans la banlieue de Montréal, notre première vraie bordée de neige. On en a eu plus de 10 cm. Alors ça y est, on a les pieds dedans. Mais on aime ça. On fait contre mauvaise fortune bon cœur. On ne laisse pas les aléas de la température nous arrêter dans nos loisirs. Justement, si ce n'était du waymarking, je préférerais peut-être être bien au chaud chez moi plutôt que de sortir dehors par ce temps. Alors, le waymarking, comment ça fonctionne? Le waymarking consiste à se rendre en un lieu où un objet nous semble intéressant. Par objet, je peux vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être un commerce, ça peut être une église, ça peut être une horloge solaire, ça peut être une rose des vents, ça peut être une multitude de choses, ça peut être un monument aux anciens combattants. Et on se rend sur place, on prend une ou plusieurs photos et on prend surtout les coordonnées GPS. Donc, comme je le disais, on prend une ou plusieurs photos et le plus important, on prend les coordonnées GPS. Pourquoi une ou plusieurs photos? Parce que certaines catégories de Waymark exigent plus d'une photo. Par exemple, une vue rapprochée et une vue éloignée. Par exemple, deux différents angles. Par exemple, l'objet complet et une plaque qui décrit le but de l'objet. Par exemple, pour les monuments aux morts à la guerre, on va vouloir une photo du monument complet et une photo plus rapprochée qui montre où on peut lire tous les noms des soldats morts dans cette guerre qui venaient de ce village. Alors ici, le bruit des voitures ici va peut-être être trop important. Si c'est le cas, je relirai le même texte que j'improvise en passant, mais je redirai le même texte une fois revenu à la maison. Je me dirige maintenant vers un pet shop, catégorie pet store. Donc une boutique où on vend de la nourriture pour animaux. C'est la première des Waymark que je vais pouvoir consigner, soumettre suite à cette marche d'aujourd'hui. Près de ce pet shop, près de cette boutique pour animaux, il y a aussi un Dairy Queen, donc un magasin, une boutique de crème glacée, de glace, comme vous dites en France. Et il y a aussi, un peu plus loin, il y a aussi une arena où il y a un club de curling. Vous voyez toutes ces différentes catégories en milieu urbain, plus ou moins intéressantes pour certains, très intéressantes pour d'autres. Pourquoi, même si je ne suis pas fervent de Waymark dans des catégories type commercial, pourquoi est-ce que j'en enregistre quand même? Ben, vous savez, c'est une question de statistiques. Certains jouent les statistiques, certains autres pas. Mais ça, ça va me permettre d'avoir une autre coche dans une grille qui existe sur le site waymarking.com. Des 1115 catégories possibles. Et un but pour s'amuser, c'est d'avoir au moins une Waymark qui appartient à chacune de ces 1115 catégories. Ceci dit, atteindre le total est à peu près impossible. Pourquoi? Parce que certaines catégories, ils sont très géolocalisés. C'est-à-dire, on a ici au Québec des Waymark qui ne se concentrent que sur le patrimoine québécois, les plaques avec des informations sur l'histoire du Québec. La même chose existe en France, en Belgique, aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, c'est séparé par région, par État. Donc, il peut y avoir des plaques juste au Kentucky, d'autres juste en Floride, d'autres juste dans le Maine. Alors, c'est comme impossible de visiter tout ça. Pas impossible, bien sûr. Une personne pourrait visiter tout ça dans sa vie, tous ces différents endroits, mais c'est pas évident. Ça serait coûteux de ne faire notre tourisme, nos visites, nos voyages, qu'en fonction du Waymarking. Alors, voilà, je suis devant le Dairy Queen. Clic, je prends une photo. J'ai pris soin de dire à mon téléphone intelligent, avec lequel je viens de prendre la photo, de garder les coordonnées GPS des photos que je prends. Donc, je m'assure que quand je reviendrai à la maison, j'aurai les coordonnées GPS. Bien sûr, j'aurais pu prendre la photo avec mon appareil photo ou mon téléphone intelligent et prendre la coordonnée GPS avec un GPS portable, un GPS de plein air. Certaines catégories exigent qu'on le fasse avec un GPS de plein air. Mais moi, je crois en la démocratie. Je crois que tout le monde qui a un appareil qui peut prendre des coordonnées GPS, que ce soit un appareil dédié au GPS ou un appareil multifonction comme un téléphone intelligent, puisse le faire. C'est mon opinion et je la partage. Alors voilà, j'ai pris une photo du Dairy Queen, donc dans la catégorie dont j'oublie la traduction exacte, mais que je donnerai plus tard, qui est les magasins de crème glacée, quoi, les boutiques de crème glacée, les bars à glace. Et j'ai pris aussi une photo du pet shop, ou de l'animalerie, si vous voulez. Maintenant, traverser l'intersection et me rendre jusqu'à l'aréna pour aller prendre des photos de l'affiche du club de curling, parce que c'est une exigence de cette catégorie, donc, d'avoir non seulement des photos de la glace où les gens jouent au curling, mais également des photos, une photo du nom du club de curling. Tout ceci est dans mon quartier, dans ma ville, donc c'est pour amener des gens qui seraient en visite dans le coin à venir voir des points d'intérêt, des Waymark, près de chez moi. Mais on n'est pas forcé de se limiter à près de chez soi. Vous savez, avec le geocaching, il faut absolument que ce soit relativement près de chez nous pour pouvoir faire l'entretien des caches. Quand quelqu'un qui vient de trouver la cache nous dit que le couvercle est brisé, qu'elle prend l'eau, que quelqu'un, que des dépluleurs, probablement quelqu'un l'a acheté. Alors, il faut aller vérifier, voir ce qu'on est, réparer, remplacer, replacer. Chose qu'on n'a pas à faire avec le waymarking. Avec le waymarking, on peut prendre la photo, prendre les coordonnées, chose que je n'avais pas mentionné, prendre de l'information sur le lieu, parce que sur la page d'une waymark, il faut aussi mettre un court texte d'introduction décrivant le lieu, l'objet, la place, et une plus longue description pour aller plus creux dans les détails, pour donner plus de détails sur l'endroit. Et dans plusieurs catégories aussi, rajouter des champs supplémentaires, comme une adresse, comme une source des informations qu'on donne, comme par exemple un numéro de base de données, par exemple en France, pour les points historiques français. J'oublie le nom exactement de la catégorie, mais il faut donner l'adresse sur la base mérimée. Faut donner le répertoire, pas le répertoire, mais la liste des items protégés à cet endroit par la base historique et tout ça. Donc, ce n'est pas seulement une question de prendre une photo, une coordonnée GPS et de la publier. Il faut mettre, comme on dit, mettre un peu de viande sur l'os pour, pousser l'intérêt des gens à aller le voir, et deux, pour les gens qui sont vraiment intéressés par tout ce qui touche à cette catégorie, de mieux s'informer sur leur centre d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'il y a, dans certaines catégories, des exigences qui varient. Mais c'est facile, quand on soumet la waymark, si on n'a pas inclus ces informations, on ne pourra pas publier la cache. Ça va nous indiquer, en tête, dans un carré rouge, quelles informations essentielles manquent. Parce que parmi ces informations additionnelles, certaines sont optionnelles, certaines sont requises. Et après, on peut toujours faire des recherches. Souvent, on trouve la réponse sur Internet. Voilà. Donc, ça n'est pas aussi simple que prendre une photo et une coordonnée GPS. Il faut aussi faire un peu de travail de recherche, qu'on peut idéalement faire sur place lors de la prise de la photo et de la coordonnée GPS. Parfois, vous savez, à une église, par exemple, il y aura moyen de trouver un fascicule qui parle de l'église ou un guide touristique, que ce soit un audio guide, un guide physique, une personne, ou un guide écrit. Ça nous permettra d'avoir ces informations. Alors, j'arrive ici au complexe de sport Duval, où il y a un club de curling. Avant d'entrer dans l'aréna, dans le complexe sportif, je vais prendre une photo, ne serait-ce que pour avoir une coordonnée GPS un peu plus précise. Voilà, complexe sportif Duval. Alors, je vais me diriger vers l'intérieur. Ah, ben tiens, juste avant l'entrée, voilà que je trouve l'affiche du curling Boucherville. Une affiche avec le chiffre 15 et les années de début du club en 1994 et l'année 2009. Donc, en 2009, ils ont célébré leur 15e anniversaire. Je vais aller à l'intérieur prendre quelques photos du club de curling afin de compléter cette waymark avec des photos plus intéressantes qu'une affiche. Voilà. En haut, complète. OK. Un gentil monsieur m'a fait signe que je pouvais passer par l'intérieur. Ce que je peux faire. Voilà. Alors voilà. Mes photos sont prises pour le club de curling. Je vais maintenant retourner vers chez moi. Bien sûr, si je me promenais dans les environs, je pourrais toujours trouver de nouvelles waymark. Mais je crois que l'épisode est assez long pour aujourd'hui. Donc, comme je disais plus tôt, puisque on n'a pas à faire l'entretien des waymark, on peut, lorsqu'on est touriste, publier des waymark. En trouver, bien sûr, le plaisir, c'est d'en trouver. Mais si on trouve un point d'intérêt et qu'on juge que ce serait bien de le faire découvrir à d'autres waymarkers, on peut la publier. Bon, il y a des limitations, comme par exemple avoir un forfait data dans ses visites ou publier lorsqu'on est revenu à notre hôtel et qu'on a du Wi-Fi ou de l'Internet dans le lobby de l'hôtel, par exemple, sur un PC. Même chose quand on fait l'achat chez Waymark. L'application geocaching.com existe sur téléphone intelligent. On peut donc facilement chercher des géocaches quand on n'est pas chez nous. Et on peut même, avec l'application de geocaching.com ou d'autres applications gratuites publiées par d'autres amateurs, mettre une base de données de géocaches que l'on désire trouver dans notre téléphone intelligent pour les chercher une fois qu'on ne sera pas sur notre réseau cellulaire sans avoir à faire face à des frais exorbitants d'itinérance. Pour nous, Québécois, quand nous voyageons à l'étranger, c'est énormément cher d'utiliser du data quand on est hors du pays. Je sais que pour les Européens, c'est beaucoup plus économique. D'ailleurs, les forfaits cellulaires, ce que les Européens appellent des portables, les forfaits cellulaires pour les Européens, en général, sont beaucoup plus économiques que pour nous, ici, au Canada, au Québec. L'excuse que les fournisseurs utilisent étant qu'ils doivent couvrir un beaucoup plus grand territoire pour beaucoup moins d'usagers. Ce qui n'est pas faux, mais ils en profitent pour nous infliger des frais exorbitants. Donc, quand nous sommes à l'extérieur, c'est plus difficile pour nous de faire du waymarking de façon efficace. Mais j'ai trouvé des trucs en utilisant un outil qui s'appelle GSAC pour Geocaching Swiss Army Knife, qui permet de maintenir localement sur un PC une base de données. Avec ça, j'ai trouvé des trucs peut-être un peu fastidieux, mais qui fonctionnent pour mettre dans ma base de données sur le PC des waymarks, aller chercher les détails de ces waymarks une par une, ce qui est un peu long, faire une petite modification avec le logiciel pour transformer, entre guillemets, ces waymarks en géocache et ensuite pouvoir les mettre dans une autre application gratuite sur mon téléphone pour pouvoir les chercher même sans forfait data, pour pouvoir consulter la base de données des waymarks locales où je suis sans utiliser le forfait data. Parce que bien sûr, le téléphone, même s'il n'est pas connecté au réseau local, il est toujours avec un GPS fonctionnel, ce qui nous permet de trouver les coordonnées GPS des waymarks qui nous intéressent. On peut donc trouver une waymark, en prendre la photo, écrire des commentaires que l'on sauvegardera localement dans le téléphone, et ensuite, lorsqu'on revient à l'hôtel ou chez les parents qu'on visite, les amis qui nous prêtent leur réseau Internet, transférer ces photos et ces notes qu'on a prises sur le lieu de la waymark pour pouvoir déclarer qu'on l'a trouvé. Quand on trouve une waymark que quelqu'un d'autre a publiée ou fait publier, on reviendra sur le processus plus tard. Quand on trouve une waymark, il faut, dans la plupart des cas, prendre une photo pour prouver qu'on y est passé et loguer cette waymark comme trouvée et ajouter la photo comme preuve. Dans plusieurs cas, on peut quand même, au lieu d'inclure une photo, on peut décrire ce qu'on a vu, décrire l'expérience, et la plupart du temps, le propriétaire de la waymark, c'est-à-dire celui qui a fait publier cette waymark, pourra l'accepter comme trouvée. Quand je dis « faire publier », c'est parce que on ne publie pas nous-mêmes nos waymarks. On prend les photos, on prend l'information, on met tout ça sur le site waymarking et on soumet la waymark pour être publiée. Ensuite, quand elle est soumise, ceux qui ont créé cette catégorie de waymark, c'est-à-dire le propriétaire de la catégorie et ses officiers, vont regarder ce qu'on a soumis et décider si c'est conforme ou pas. Si le tout est conforme, ils vont publier. Qui peut publier? Le propriétaire ou n'importe lequel des officiers. Mais, dans certains cas, s'il y a un doute, un des officiers ou le propriétaire va soumettre la Waymark à un vote. À ce moment-là, les autres officiers et le propriétaire vont chacun donner leur opinion. Et au bout de quelques jours, je crois que c'est 4 jours, donc au bout de 4 jours, le nombre de votes prédominant l'emporte. Si certains n'ont pas voté dans cet intervalle, ben, ils sont donc considérés comme s'étant abstenus et c'est le vote des autres qui tient. Nous entrerons dans les détails dans d'autres épisodes sur les délais de publication d'une Waymark. Dans ce podcast futur et dans d'autres, j'inviterai des Waymarkers expérimentés ainsi que des débutants à participer à la conversation. Que ce soit avant de publier le podcast sur un certain sujet ou en réaction dans un podcast suivant, un peu comme une section lettres ouvertes dans les journaux. Alors, pour aujourd'hui, ça fait un peu le tour de ce que j'avais comme imagination non scriptée sur le sujet. Je vais peut-être couper des grandes portions ou garder le tout tel quel. Ça dépendra de mon humeur et ça dépendra de la qualité de l'audio. Je vais peut-être réenregistrer des portions complètes, modifier le texte. Mais voilà, aujourd'hui, mon premier podcast en français sur le waymarking. S'il vous plaît, veuillez me signifier votre intérêt pour d'autres épisodes de waymarking. Mon adresse pour le faire sera publiée avec le podcast et je déciderai si l'intérêt est suffisant de continuer ou pas. Il peut être même que j'en ferai un podcast équivalent en anglais parce qu'en recherchant pour un podcast en français sur le waymarking, je me suis rendu compte qu'il n'en existe pas sur le waymarking, même en anglais. Bien sûr, je fais ceci gratuitement, bénévolement. Je mentionne cela parce qu'il existe plusieurs podcasts sur le geocaching et plusieurs sont disparus assez rapidement. Celui qui a survécu le plus longtemps et qui, si je ne m'abuse, existe encore, c'est le Podcasher Podcast. Mais les créateurs de ce podcast quémandent à tous les épisodes pour des dons, pour pouvoir continuer, parce que ça leur prend du temps, parce que ça leur prend des équipements, des logiciels et tout. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas un Américain en quête de profit. Je suis un amateur de waymarking qui voudrait faire profiter de ma maigre expérience au plus de gens possible pour les initier virtuellement à ce loisir, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de waymarkers et de par le fait même, de plus en plus de waymark de publier pour que lors de mes sorties, j'ai de plus en plus de waymark à trouver. Alors voici mon but, il est très égoïste. Je publie ce podcast pour pouvoir m'amuser plus quand je sors faire du waymarking. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, dépendant du fuseau horaire où vous vous trouvez, et bon waymarking.